Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, on rediffuse 4 femmes scientifiques, une série d'Olivier Chomel réalisée par Vincent Deck. Au départ de cette série, il y a une préoccupation féministe, mais oui, et une question. Une question qui est un peu comme une chanson, car en science, on peut se le demander, où sont les femmes ? Eh bien, elles sont là, même si depuis toujours, on leur pique leur découverte, et même si elles doivent déployer une énergie considérable pour se faire une place et ne pas compter leurs heures. Et même si, pour voir leur talent s'épanouir, elles sont parfois obligées aussi d'inventer leur territoire de recherche. Et parfois, quand la machine à effacer l'histoire tombe en panne, eh bien il arrive tout de même qu'elles entrent par effraction dans la légende. Alors pour commencer, les personnages. L'exubérante ex-grande patronne du Jardin des Plantes, deux vétérinaires qui hantent ou ont hanté la ménagerie et prennent le pouls des bestioles, une sœur et une fille admirative et une auteure qui l'est tout autant. Ensuite, le décor. Un appartement le long d'une voie ferrée, une canicule estivale qui écrase la population humaine et animale, des cages, des fosses, des marronniers, des bancs publics et le jardin des plantes, ses allées de gravier sous le cagnard du mois de juillet. Aujourd'hui, 3e épisode, on fait connaissance avec Marie-Claude Bomsel, désormais émérite. Là, on va maintenant vers le pavillon des reptiles, 1870, et on va se retrouver sur la grande pelouse des flamants roses, qui est un lieu très privilégié des mamans, parce qu'on peut, il y a la ferme des petits-enfants à côté, et les mamans s'asseyent au bord des flamants roses. C'est joli. Comment on fait pour que les flamants ne s'envolent pas ? Hélas, on leur coupe les plumes, voire tout bébé. On fait les deux, un petit tendon qui fait qu'ils ne volent pas. Mais c'est un vrai problème. Ça va être interdit sans doute bientôt. Le problème, c'est qu'après, on se retrouve dans le système cage et que ce sont quand même des grands voyous. Mais ça, c'est un vrai problème en parc zoologique qui est beaucoup discuté maintenant. Là, vous passez devant les bâtiments faisanderies. Celle-là a été rénovée dans les années 2000. C'est la vieille pagode chinoise. C'était l'idée de l'acclimatation des animaux. On les amenait, alors là c'était les faisans, origine asiatique, donc on faisait une pagode. C'est joli comme idée. C'est un des plus vieux bâtiments de la ménagerie, c'était la grande époque. En fait, c'est le 19e qui a donné la grande époque de la ménagerie. Après 1870, le pavillon reptile, Fauvry et Singerie, c'est 1930, c'est les moins jolis pavillons et les moins adaptés, paradoxalement. Le 20e siècle n'a pas été tellement bien. Et après, nous, on a vu les contraintes budgétaires, on a surtout agrandi les parcs et fait quelques rénovations. Vous voyez, la petite, d'ailleurs, la ferme est en rénovation. Voilà, on va aller là-bas voir les flamants roses, on est tranquille. Marie-Claude Bomsel, la lionne de la ménagerie. Olivier Chomel, Vincent Deck. Il n'y a plus de lions à la ménagerie du Jardin des Plantes. Les plus grands animaux sont partis vers d'autres établissements, plus spacieux, où on finit naturalisé après leur mort. C'est d'ailleurs un lion issu de la ménagerie et prénommé Maurice qui ferme la marche de la procession des animaux à la grande galerie de l'évolution. Il n'est pas très facile d'aller donner des soins médicaux à un oryctérope, un marabout ou un ouistiti. Certes, les vertébrés sont tous construits selon le même plan, mais des nuances physiologiques importantes subsistent et surtout, ils ont peu conscience qu'on intervient pour leur bien et ont une fâcheuse tendance à ne pas se laisser faire. Marie-Claude Bomsel a développé empiriquement un sens aigu de l'approche des bêtes sauvages, par essence imprévisible, ainsi que de l'improvisation, voire de la débrouille, obligatoire au vu des moyens alloués. Elle est devenue au fil du temps un des personnages principaux de la ménagerie du Jardin des Plantes, sans toutefois voler la vedette à Nénette, sa chère vieille amie orang-outan. Là, vous avez la grue. C'est une grue cendrée, voilà. Ordinaire ou... Oh là, je ne m'avancerai pas non plus. 9000 espèces d'oiseaux. Je sais reconnaître les grues, mais après, 9000 espèces d'oiseaux, 6000 de mammifères, et puis tout le reste, reptiles, tout ça, c'est pas possible de connaître toutes les espèces. Il y a un banc à l'ombre, là. Ah, ça, c'est le banc de la rotonde. Marie-Claude Bomsel, vous avez toujours pratiqué une médecine vétérinaire moderne, voire d'avant-garde, enfin faisant attention à pas mal de concepts nouveaux, notamment concernant le bien-être des animaux. Et cette médecine vétérinaire moderne, vous l'avez apprise à l'école de Maison Alfort, qui date de Louis XV, et vous l'avez exercée à la ménagerie du Jardin des Plantes, qui date des dernières années du XVIIIe siècle. Oui, d'abord, vous êtes flatteur de me dire que je n'ai eu que des choses d'avant-garde, parce que quand je suis arrivée ici, vous avez raison de dire que c'était l'époque encore, même dans les années 70, c'était encore l'époque où on apprenait beaucoup de choses sur les bovins, principalement. Mmh. Moi, dans mes études, j'ai surtout vu du gros bovin. Donc, effectivement, il a fallu d'abord qu'on travaille comme en rural, mais notre force, parce qu'on est dans un établissement scientifique, nous avons eu la possibilité de suivre scientifiquement et les travaux d'Alfort et les travaux de nos confrères à nous, des autres parcs zoologiques. Donc, très vite, les échanges fructueux et non gratifiants, non rémunérés, ce qui a vaut le coup, ça c'est le principe scientifique, a fait que nous avons avancé assez vite. Déjà, nous avons créé l'Europe des zoos, qu'elle soit pour les animaux ou pour les vétérinaires, ce qui est déjà, on a créé l'Association des vétérinaires d'Europe, on a créé l'Europe des zoos, le muséum était partie prenante là-dedans. Ça s'est fait facilement Oui, à cette époque, on a fait ça dans les années, si vous voulez, si on reprend l'époque, il faut voir, dans les années 60, il y a Dumont, il y a tout le monde qui commence à dire que la nature ne va pas très bien. Nous, 70, moi quand je rentre, c'était l'anti-zoo maximal, avec vraiment des gens très vifs et très hostiles. Ah, c'était terrible, hein. On était sains partout. On assimilait le zoo à une prison, enfin, voilà, à un lieu d'enfermement, etc. Donc, il y a un moment où on s'est dit, il faut faire quelque chose. Alors, on était très peu en France de vétérinaires de zoo. À cette époque, c'était peu lucratif, ça l'est resté d'ailleurs. Donc, on a assez vite appelé nos confrères étrangers. Et puis, les directeurs de zoo se sont également rendus compte qu'il était temps, si je puis dire, de ne plus prélever dans la nature. C'était moins coûteux pour eux. À cette époque, c'était encore des marchands. Maintenant, moins. Hein. Ce sont des gens passionnés, mais il y avait une grande partie qui était encore des marchands. Et donc, il a été intéressant de faire ce qu'on a appelé les plans d'élevage. Donc, l'Europe administrative des zoos et des plans d'élevage. Ils sont arrivés derrière tout ce qu'on appelle les transpondeurs, qu'on a pris beaucoup plus tôt que tout le monde, les puces électroniques sous la peau. Les animaux des zoos, ils sont encore plus fichés que nous autres ? Ah, ils sont extrêmement fichés. Je veux dire, les animaux, les gens, nous sommes des établissements hyper contrôlés. Vous déplacez ici un triton ou une grenouille, il a son transpondeur, il a son certificat CITES, il a la caisse de transport qui lui convient, etc. etc. C'est peut-être notre futur à nous, hein. Marie-Claude Bomsel, ça fait environ 45 ans que vous entretenez une relation intime avec Nénette, une femelle orang-outan qui a beaucoup compté, et dès vos débuts à la ménagerie. Vous vous souvenez de son arrivée ici ? Elle est arrivée, on l'a pris de la cage, vous imaginez, pour une jeune future mère qui prend tout d'un coup cette énorme bête qui vous enlace comme ça et qui se couche sur vous. C'est merveilleux. Moi, j'ai vu arriver cet animal très apeuré. Et c'était donc mes débuts, j'étais donc émerveillé par le lieu, un peu choqué par certaines conditions de captivité, même si ça s'est amélioré, d'ailleurs, il reste encore des choses. Hein. Et arrivé cet animal qui m'a fait tellement confiance, qui est arrivé, je vous dis, que j'ai pris brusquement dans les bras, c'était vraiment, une tendresse affective de mère à fille. Bon, les choses ont bien changé depuis, parce que c'est une vieille mémé maintenant, que Nénette. Et je prétends, j'ai été la voir la dernière fois, que j'ai plutôt vieillit mieux qu'elle. Elle me crache dessus, mais je lui ai dit, écoute, on dirait une vieille pomme ridée, tu devrais te mettre de la crème le matin. Bon, elle m'a recraché dessus, et nous avons conclu toutes les deux qu'on était, parce que c'était pas arrangé. Mais on a gardé des rapports, hein, comme ça, comme vous voyez, mais on ne rentre plus avec elle et tout. Mais c'était une autre époque, c'était vraiment le fait d'avoir un animal dans les bras. Dans le fond, on pourrait presque assimiler ça. Moi, j'ai ça maintenant avec mes gros chats doldus. C'était presque, oui, un attachement physique. On vous connaît comme une femme ayant un caractère exceptionnel, mais en même temps, vous êtes une vraie sentimentale. Oui, je suis une sentimentale, ouais, vous avez raison. Je regarde, je suis le genre à regarder autant n'importe le vent, enveloppé dans mes tissus, là, vous savez, dans mes rideaux, et en pleurant et en attendant le beau Clark Gable. Mais bon, il ne viendra plus maintenant, j'ai annoncé. Oui, non, c'est vrai, ça c'est le côté très affectif. Le cadre où grandissent les enfants Bumsell, c'est le Chênaie près de Versailles, un environnement plutôt privilégié, et déjà des animaux de toutes sortes et en grand nombre. Joël Bumsell. Si on parle de la Marie-Claude avant qu'elle ne devienne vétérinaire, c'est sûr que chez nous, il y a toujours eu des animaux, mais alors en pagaille, quoi. Toujours entre 5 et 10 chats, un minimum de 2 chiens, des cochons d'Inde, des hamsters. Ma sœur a ramené des corbeaux, on a eu une chouette. Et quand elle faisait des remplacements, dès qu'il y avait un animal qu'il fallait piquer et qu'elle considérait qu'il n'y avait pas à le piquer, hop, elle le ramenait. Là, puis comme on ne coupait pas les chats mâles, ça se bat, ça part, ça revient à mocher, enfin voilà. Je me souviens, j'ai vraiment des souvenirs très précis de ma frangine sur une terrasse qui était derrière la maison, en train de préparer ses examens, dehors, et le corbeau qui piquait les stylos, qui... Voilà, c'est très rigolo, hein, c'est un peu comme une pie. Pour la chouette, ça paraît un peu plus compliqué. Je crois que c'est une chouette qui a été trouvée malade, blessée, abîmée, voilà. Blessée. Ouais. Elle était borgne. Et comme il y avait une pièce dans notre maison qui n'avait pas été terminée, où le parquet n'avait pas été fait, avec le plancher, elle vivait là, dans cette pièce, tranquille. On laissait la fenêtre ouverte toute la nuit. Et elle vivait sa vie de chouette. Mon père avait un chien, quelquefois deux, qui baladait tous les soirs. Régulièrement, il ramenait tous les hérissons qu'il avait trouvés au milieu de la route. Il fallait pas qu'il se fasse écraser. Donc vous voyez, elle est quand même, elle a quand même grandi dans un univers où les animaux étaient, voilà, on s'occupait d'eux et on avait une sensibilité à cela. Est-ce que vous vous souvenez, Joël Bumsell, de l'époque où votre sœur Marie-Claude s'est orientée vers les animaux exotiques? C'est quand elle a commencé à chercher véritablement du travail sur la France, quoi. Il y a eu d'abord son séjour en Centrafrique. Ça, c'était... Elle s'est mariée. Tous les deux ont décidé de partir en tant que coopérants. Et ils sont revenus avec un animal africain un peu surprenant qu'on n'avait pas encore eu. C'était encore une nouveauté, qui s'appelle un pangolin. Je me rappelle très bien, c'était l'époque où les aéroports n'étaient pas archi-surveillés comme maintenant. Et où elle nous a passé, hop, comme ça, juste avant la douane, un joli panier rond, fermé. Vous savez ce que c'est qu'un pangolin? C'est un animal assez étrange, mais je vous laisse le décrire. C'est un fourmilier, un petit fourmilier, qui, quand il est un peu inquiet, se met en boule. Ça a des écailles plutôt que des poils. Voilà, c'est des poils collés en forme d'écailles, avec un long petit nez. C'est extrêmement beau. Donc je ne vous dis pas toute notre ménagerie face à cette chose. Surtout que c'est un nocturne, hein. Donc, avant qu'on comprenne qu'il était capable d'ouvrir absolument toutes les portes et qu'on mette des verrous partout, il a eu le temps de se sauver. Enfin, bon, voilà, ça a été encore une histoire pas possible, ça. Comment fait-on pour nourrir un insectivore africain au Chênaie? Ça a été très compliqué. Marie-Claude, dans un premier temps, a étudié la meilleure alimentation possible, parce qu'il était clair qu'on ne pouvait pas aller chasser la fourmi. Je crois qu'elle a fait quelque chose à base de protéines d'œufs au départ. Et puis une fois qu'ils ont été installés, elle avait réussi avec le zoo d'Anvers d'avoir un fournisseur de fourmis séchées. Ou un truc comme ça. De toute façon, cet animal, ils l'ont ramené d'Afrique parce que s'ils l'avaient laissé, il aurait été mangé. Ça se mange là-bas, les pangolins. J'ai rencontré mon ex-mari qui voulait partir en Afrique. Alors j'ai trouvé ça d'un romantique absolu. Et je suis partie avec lui en Afrique. Où là, je m'attendais, comme les safaris maintenant. Vous voyez, je me promène, les singes arrivent, les lions ronronnent, tout ça. Je suis issue de Blanche-Neige et les sept nains. Quand on la met dans la forêt et que les animaux sont autour et qu'elle chante alors qu'elle a abandonné la forêt, je participais de cette idée, je pars dans les Afriques et je ne vois rien. Car quand vous êtes vraiment en Afrique, surtout que j'étais en République centrafricaine où, rappelons-nous, Giscard aimait à chasser, et il y avait énormément de chasseurs, les animaux fuyaient. Et je n'ai rien vu, je n'ai vu pratiquement aucun animal. Et je suis donc revenue ici par hasard en me disant, voilà, c'est mon royaume. Jean-Luc Berthier, vous êtes vétérinaire. Vous avez eu pendant de nombreuses années comme camarade de travail Marie-Claude Bumsell à la ménagerie du Jardin des Plantes. Oui, bon, c'est vrai que le goût était de travailler avec les bêtes sauvages. Et alors, vous y allez un petit peu à l'aveugle, puisque vous n'avez aucune formation, ni elle ni vous, au sujet des animaux sauvages. Et comment on se débrouille avec ces animaux si différents, si inconnus ? Ben, on apprend déjà de ceux qui sont déjà en place. Donc là, il y a un échange d'expérience. À l'époque, on n'était pas nombreux, on était 7 ou 8 en tout en France. Hein. Donc on apprend au fur et à mesure sur le tas, les publications. Qu'est-ce qu'il fallait explorer et mettre en place ? Ben, explorer les sujets, c'était déjà de communiquer tous les cas cliniques qu'on avait, en particulier de maladies d'une part et surtout d'anesthésie. Un des grands problèmes à l'époque, en tout cas pour ce qui est des mammifères, c'est d'abord l'immobilisation, quoi, ce qu'on appelle, ou anesthésie, parce qu'il faut endormir. Et ça, c'était encore très balbutiant. Maintenant, c'est absolument au point. On sait à peu près tout endormir avec système d'endormissement, enfin d'anesthésie, et de réveil quasi immédiat. Ça vient du terrain. Parce que dans les réserves, si on relâche une antilope, si on la laisse endormie, de toute façon, elle est dévorée. Donc il faut absolument la réveiller, qu'elle parte complètement réveillée, complètement vigile. Donc ça, c'est vraiment des techniques. Et bon, moi, je me suis beaucoup impliqué là-dedans. Et puis, pour manipuler les animaux, pour éviter les stress, des captures, c'est un stress énorme. Alors qu'une petite flèche, on l'endort tranquille, on peut le refaire 10 fois dans l'année si nécessaire. Il y a une partie de votre travail, Jean-Luc Berthier ou Marie-Claude Bomsel, qui consiste à comprendre ce qui est quelque chose comme la psychologie des animaux. Alors ça, c'est compliqué parce que c'est difficile. Une des questions classiques, c'est est-ce qu'ils sont heureux ou pas heureux ? J'allais dire, moi, j'en sais rien. On voit un comportement entre guillemets normal ou un comportement anormal, un animal qui a des comportements stéréotypés ou qui est un peu en panique ou... Par exemple, pour les ours, qui sont classiquement, d'abord, sont des solitaires. Donc, si on les garde seuls déjà, on a l'impression qu'ils sont pas heureux. Ils ont très facilement des comportements qu'on attribue à des comportements stéréotypés parce qu'ils se déplacent beaucoup, ce qui est le cas dans la nature. Ils cherchent la nourriture pendant des heures, ils marchent beaucoup. Donc, en captivité, ils le font, mais sur une petite zone. Et c'est difficile à savoir ce qui est vraiment mal-être ou comportement, entre guillemets, normal. Une étudiante qui avait fait une thèse là-dessus sur le comportement des ours en captivité dans les zoos en France avait rencontré l'un des gardes des Pyrénées, les ours, et qui expliquait qu'il y avait un ours qui suivait avec des pièges photographiques, enfin qu'il connaissait bien, qui tous les soirs faisait le même parcours pour partir en recherche de nourriture, et qui faisait le même mouvement, 3 tours autour d'une même pierre au pied d'un arbre, toujours sur le même chemin, ce qu'on aurait attribué, nous, à un comportement complètement anormal. Et visiblement, ils ont aussi, c'est des rassurements, y compris dans la nature, je pense. Mais ça, c'est très difficile à interpréter. On est bien à l'ombre, là, vous ne trouvez pas ? Ce sont les grands singes qui vous ont apporté le plus de satisfaction, de plaisir ? Oui et non. Oui et non. Je me suis retrouvée, comme on l'a dit, face à face avec Nénette, et j'ai eu donc un coup de cœur, comme on dit maintenant, pour Nénette. A priori, je n'étais pas fan des grands singes parce que ce sont des animaux difficiles à voir en parc zoologique. Donc ils n'étaient pas très bien installés ici. On couvre par une équipe de soigneurs, mais on n'a pas des bonnes installations. Et c'est difficile le regard d'un grand singe. Et moi, j'ai démarré avec ces fameux gorilles qui sont restés dans l'imaginaire parisien. Moi, quand je suis arrivée, il y avait les gorilles du docteur Schweitzer, le bon docteur Schweitzer, qui avait des bébés gorilles. À cette époque, il avait ramené à Paris chez un ami, qui évidemment s'est fait défoncer son appartement, et les avait donnés au zoo, à la ménagerie. Et moi, quand je suis arrivée, ils étaient adultes, franchement, et complètement déprimés, parce qu'ils ne sortaient pas à cette époque. Et le gorille, lui, qui est un animal très introverti, vous regarde de côté, il faisait des ulcères aux mains et tout, c'était très douloureux. Et j'ai eu beaucoup de mal, alors je les ai sortis toujours dans ma folie, j'ai dit, mais on ne peut pas continuer comme ça, j'ai installé une grande cage sur la pelouse, je les ai sortis, on les soignait, je vais vous avouer, on les soignait avec des... On allait chercher ou une petite souris, ou un serpent. Ils en ont très peur, les grands singes. Ça nous permettait d'attraper à bout de bras ou quelque chose et de faire les piqûres. C'était pas bien, mais c'était efficace. On avait des combines comme ça. Donc j'étais quand même mal à l'aise. Et puis est arrivée Nénette et particulièrement sont arrivés les orang-outans, qui est une espèce solitaire. Moi, j'aime bien les solitaires, calmes. Et là, oui, j'ai eu beaucoup de plaisir avec eux, à les regarder, à les voir. Puis on a eu des petits, c'est merveilleux quand vous voyez un animal comme ça. Le premier bébé de nénette qu'on n'avait pas vu venir, elle a toujours été rondouillarde. Alors, puis on, pas beaucoup de seins, hein, les grands seins chez nous, les femmes comme ça, on voit rien. On se disait, peut-être bien, je vois encore René, qui était à cette époque le vieux soigneur, peut-être bien. Oh, il a fait son affaire, qui me dit, mais il fait tout le temps son affaire et tout. Et puis un jour, on est arrivé, il y avait le bébé. Et Nanette était transfigurée. Elle l'avait pris, elle le sentait comme ça, elle l'embrassait partout, elle l'a mis sur le dos, elle l'a tourné, c'était extraordinaire. En plus, c'est ce qu'on appelle une primipare. C'est rare que les femelles de premier-né, même en nature, souvent ne savent pas le faire. Elle l'a fait instinctivement et elle a très bien élevé. Elle a eu 4 fils, mais elle les a élevés. Et tout ça m'a beaucoup touchée. Mais c'est peut-être plus elle que les grands singes en soi. Mais après, automatiquement, j'ai suivi le groupe orang-outan. Vous écrivez, Marie-Claude Bomsel, on prouve l'intelligence des singes par leur aptitude au mensonge. Comment est-ce que ça s'observe, ça ? Très difficile. Il faut le faire, en fait, en laboratoire. C'est-à-dire que vous avez un équipier qui leur donne le bon renseignement, on cache des fruits, il y en a un qui donne le bon renseignement et l'autre le mauvais. Et ils vont assez vite comprendre qu'il y en a un qui est fourbe, qui ment. Et ils vont ne plus le suivre, ce qui est déjà une autre vue. Nous, j'allais dire, on s'en est aperçu, qui connaissait le mensonge ici, parce que Nénette, tout particulièrement, donc on rentrait à cette époque, et avait un truc qu'on s'est rendu compte. Elle venait, moi par exemple, bon, j'en ai plus, mais j'avais toujours des colliers, c'est des colliers fichés ridicules. Elle adorait les colliers. Et elle voulait me piquer ce collier. Et je le savais, donc je faisais attention, je fermais la blouse, je lui enlevais le collier. Bon, d'accord, mais ça, c'est les nanas. Donc je gardais le collier, je rentrais avec ma blouse fermée, et elle farfouillait dans les poches. Elle faisait semblant de s'occuper d'autre chose. Et tout d'un coup, en regardant de l'autre côté, et tout, clac, elle arrachait le collier qu'elle se mettait. Par contre, elle n'était pas allée à comprendre qu'il fallait fermer. Alors elle était toujours horrifiée quand tout dégringolait, toutes les perles et tout. Je me faisais évidemment engueuler par les soigneurs qui me disaient qu'elle allait les avaler. Ils avaient raison, hein. Bon, mais on s'était rendu compte comme ça qu'elle savait très bien. Elle a une fois volé des clés à une jeune soigneuse inexpérimentée. Elle a regardé dans la gamelle derrière. Alors la soigneuse a regardé derrière et hop! Pendant ce temps-là, le pied a attrapé. Bon, ils ont des techniques. Façon pickpocket. Voilà, tout à fait. Donc, on s'était rendu compte, mais ça a été réétudié. Et seuls les grands singes, finalement, semblent avoir cette aptitude. Chat et chien, un petit peu aussi. Si vous les regardez, moi, mes chats me mentent. Ce sont les seuls animaux que vous ayez maintenant. Chez vous ? Oui, maintenant, oui. Mais j'ai tout eu. Les chats ? Oui, j'ai tout eu. J'ai eu un ours, j'ai eu un marat, c'est un lièvre des pampas. J'ai eu 3 tigres d'un coup. Qu'est-ce que j'ai eu ? Bah, c'est déjà pas mal, d'autant que je me souvienne. Puis surtout, mes enfants étaient élevés dans la ménagerie, mes 2 enfants, et avec une nounou qui élevait en même temps les bébés animaux. Qu'est-ce que c'est ce livre que vous avez retrouvé, Constance de Montois ? Alors j'étais à la recherche de photos ce matin, et du coup j'ai eu envie de ressortir le livre de Gisèle Marjary, qui est une personne qui a longtemps travaillé au Jardin des Plantes avec ma mère, et qui était aussi, comme le nom l'indique, c'était la nounou du Jardin des Plantes. J'étais donc chez cette nounou, parce qu'à l'époque elle élevait aussi ses enfants, et c'était avant qu'elle reprenne ses activités de soigneur. Donc on était gardés dans un appartement au-dessus de la Fauverie, avec donc on devait être 4-5 enfants, mais avec beaucoup de bébés animaux. Voilà, c'était une petite arche de Noé. Il y avait une perruche qui était là tout le temps. Bon, voilà, c'est assez classique, mais qui avait un caractère terrible. Il y a eu un bébé tigre que je peux vous montrer là, qui s'appelle Freda. Pour moi, à l'époque, c'était comme un chat avec des très grosses pattes qui jouait au milieu de nous. Mais du coup, on avait aussi le plaisir de donner le biberon à certains animaux. Enfin, moi, j'ai donné le biberon à des singes, à des tigres, etc. Là, c'est une photo de moi avec une oursonne qui s'appelait Schtroumpfette, qui a été un petit temps hébergée. Et cette photo, elle est prise dans l'appartement de Gisèle Marjary. Mais là, j'étais plus grande, comme vous voyez. J'étais juste passée la voir une après-midi. Vous, il a fallu que vous appreniez, quand vous étiez toute petite fille, ainsi que votre petit frère, à avoir les comportements adéquats avec les petits tigres, la petite ours et tout ça. Ah oui, oui, tout à fait. Enfin, il y avait effectivement des choses qu'il fallait éviter de faire. Par exemple, sourire à un singe, ça veut dire lui montrer les dents, et donc ça veut dire que c'est un signe agressif pour lui. Donc on apprenait ces choses-là, en fait. Et puis je pense qu'on nous mettait des limites aussi dans le jeu. Enfin, le but était vraiment de les réintégrer ensuite avec les autres. Voilà. S'en suivaient des séparations qui étaient peut-être difficiles. Oui, enfin, j'ai des souvenirs de bons copains, voilà, qui étaient Doudou et Chloé. Doudou étant un orang-outan qui soulevait comme ça les jupes des filles et puis qui les rabaissait après. Et Chloé, c'était un chimpanzé. On jouait comme ça dehors sur la pelouse, on allait grimper aux arbres, on allait crapahuter dans les bottes de foin. Enfin, c'était une enfance un peu à la campagne. Alors justement, on nous disait que c'était pas des peluches, mais voilà, des animaux avec qui on peut échanger et courir et s'ébattre et tout ça, c'était très marrant. Après, il est arrivé une fois ou deux qu'on soit mordu aussi par l'orang-outan qui se fâche parce que je ne sais quoi. Et là, c'est pas des morsures pour jouer. Enfin, maintenant, avec le recul, je me dis, mais c'est incroyable. Mais sur le moment, voilà, ma mère travaillait au zoo, j'allais sur son lieu de travail et je jouais avec les animaux. Puis je pense que c'était une époque, c'était quand même plus cool, quoi, les années 80. Je ne sais pas si aujourd'hui on laisserait comme ça les enfants partir en vadrouille avec deux jeunes singes. Donc il y avait une, comme ça, une atmosphère assez libre. Lui, il a eu une paralysie du plexus brachial parce qu'il a été renversé par un scooter. Et je l'ai ramassé sur la route une nuit, comme ça. Comment vous avez connu Marie-Claude Bomsel, Karine Alves ? En fait, je suis sortie de l'école en 98 et je faisais beaucoup de garde de nuit. Et la journée, j'étais disponible. Et je suis allée à la ménagerie un après-midi en souhaitant faire un stage de vétérinaire en parc zoologique. Et Marie-Claude, c'est à cette occasion-là que je l'ai rencontrée. Avec Jean-Luc Berthier, et ils ont accepté de me prendre comme stagiaire, et au bout de 2 mois, un poste de vétérinaire s'est ouvert, et on m'a proposé le poste. Et c'est comme ça que j'ai fait mes armes à la ménagerie avec Marie-Claude et Jean-Luc. Les animaux exotiques, c'est pas tellement enseigné à l'école d'Alfort ? Alors, ça l'était pas du tout il y a 20 ans, quand j'ai fait mes études. Maintenant, ça l'est un peu plus, puisqu'il y a une spécialisation qui a été ouverte à l'école d'Alfort et dans les autres, puisque les NAC développent beaucoup. Mais effectivement, à l'époque, c'était assez confidentiel, quoi. Donc c'était que de l'expérience faite sur le terrain avec des confrères et des consoeurs qui vous apprenaient. Et alors la rencontre avec Marie-Claude Bomsel, vous la connaissiez de réputation, je suppose ? Oui, je la connaissais comme un peu tout le monde, comme le grand public. Je la connaissais par la télévision, la radio, etc. Et comme je suis arrivée un peu jeune, un peu pleine d'illusions et d'énergie, à vouloir un peu bousculer les choses dans cette vieille maison qui était la ménagerie, elle m'a donné carte blanche, quoi, pour qu'on essaye de passer à un niveau supérieur en termes de bien-être animal. Alors, la ménagerie du Jardin des Plantes, c'est un endroit particulier à plusieurs titres, parce que c'est un zoo dans Paris, c'est aussi un bâtiment historique. Quelles incidences ça a sur la nature du travail du vétérinaire ? Alors, ça a beaucoup d'incidences, parce que d'abord c'est un bâtiment classé, enfin, beaucoup d'enclos sont classés au niveau des grillages, etc. Donc on ne peut pas faire ce qu'on veut dans l'aménagement des parcs, on ne peut pas... casser des clôtures, construire, etc., sans l'avis des architectes des monuments nationaux. La contrainte aussi, c'est l'espace. C'est un espace qui est très petit. Hein. C'est petit, ouais. Donc, on peut pas avoir des grosses espèces. C'est pour ça que quand j'y étais d'ailleurs, on a supprimé pas mal de gros animaux pour essayer d'avoir des espèces beaucoup plus raisonnables en termes de. C'est pour ça qu'on a pas mis de lions dedans. Donc, c'est plutôt des fauves de petite taille, panthères, pumas, tout comme ça. Les dromadaires sont partis. Avant, il y a même eu des hippopotames et des éléphants à la ménagerie, hein, mais c'est plus envisageable maintenant. Parce qu'on sait qu'on doit répondre aux besoins physiologiques de base de l'animal pour qu'il développe le moins possible de stéréotypie, enfin de troubles liés à la captivité. Donc c'est pour ça que la ménagerie étant un petit espace, on essaye de se concentrer sur des petits animaux. On n'a plus une collectionnite aiguë de toutes les espèces de cercopithèques, de toutes les espèces de mangabais qu'il y avait quand j'ai démarré. Là-bas, vous avez toutes les petites maisons à toit de chaume et en torchis. Ils sont merveilleusement faites pour les animaux. Le site entier est classé. C'est ce qui fait le charme du lieu. Là, vous allez voir les imbres. On est devant la grande volière, l'époque de la tour Eiffel. et ainsi de suite. Bon, le premier bâtiment, on va peut-être y aller tout de suite, c'est la rotonde, 1802, construite d'après Napoléon, d'après pour la Légion d'honneur. Donc vous voyez, on est très flattés que de la voir. Elle sert maintenant la pédagogie aux enfants. Et puis à côté, la fosse à ours, où il y avait le célèbre ours Martin. Le Martin célèbre, qui jusqu'à tous s'appelait Martin, quel qu'il soit de toute façon. Et ils avaient pour fonction d'être agressifs et méchants, puisqu'à cette époque-là, c'était la légende, qui perdure un peu moins maintenant quand même. Mais on les a fait partir dans les années 90, allons-nous dire, pour le parc de Thoiry, où ils avaient là de l'espace. C'est l'autre problème de la ménagerie, il faut adapter l'animal à l'espace. À l'époque où la ménagerie a été créée, en 1794, hein, c'est le premier zoo public et révolutionnaire et français, c'est nous. Ça a parti de la ménagerie du roi Louis XVI, des baladins de Paris, tout ça a été groupé. Et petit à petit, la rotonde, la fosse à ours et tout, la ménagerie va se créer. Mais le grand public qui vient n'a pas du tout conscience de ce passé historique. Ça échappe parfois, soyons honnêtes, un peu aux chercheurs aussi, qui eux, on a parfois l'impression que nous, les vétérinaires, on n'est pas assez, souples pour leur recherche pure. C'est un peu plus compliqué. Notre laboratoire, il est en pleine ville et en plein public. Ce n'est pas toujours simple. Oui. Nous sommes passés devant la rotonde, donc Légion d'honneur. On a un faux hippopotame qui plaît beaucoup aux enfants, pour rappeler qu'autrefois, c'était le bâtiment des animaux paisibles et qui a eu la fameuse girafe Zarafa, hein, 1826. La girafe de Charles X. Voilà, la célèbre. C'est une superbe histoire, offerte par le pacha d'Égypte. Voilà, par le pacha d'Égypte. Et puis nous, on a eu la bonne pour une fois, parce qu'il y en avait une pour les Anglais, une pour les Français. Nous, on a eu celle qui était bonne, qui s'est promenée effectivement sur d'autres chameaux. Elle était toute jeune, hein, elle était encore bébé. Et ensuite, elle a traversé la Méditerranée avec une grande capeline et la tête au-dessus du pont. Et elle est arrivée à Marseille, où elle est restée 3-4 mois en quarantaine. Et ensuite, elle est remontée de Marseille à Paris à pied. Et on peut imaginer en 1827 l'émoi des populations déjà. Même ici, en Paris, s'il y en avait une. Mais on peut imaginer, c'était absolument faramineux. Hein, il n'en avait jamais vu. Donc voilà, ensuite elle est arrivée ici, elle a vécu 17-18 ans ici, et elle a eu la chance de voir le roi. Elle a attiré 600 000 personnes la première année, ce qui est conséquent, hein. C'est à peu près ce que nous faisons maintenant, 600 000 personnes, puis elle a été oubliée. Ne sont restés que les merveilleux objets, puisqu'il y avait le peigne à la girafe, la brosse à la girafe, la cuillère, enfin la robe à la girafe, tout était à la girafe. Quantité d'objets dérivés. Voilà, c'était le panda d'autrefois, parce que maintenant c'est tout au panda, ben là c'était la girafe. Vous nous parlerez des pandas. Hein. Je vous parlerai des pandas si je suis de bonne humeur. Parce que ça dépend des jours. Les pandas et moi, nous avons des fois des difficultés parce que je considère, pardon messieurs les pandas, que ce sont des animaux merveilleux, vraiment de gueule, mais c'est quand même des outres à bambou. Hein. Qu'est-ce que ça fait toute la journée? Ça mange du bambou, ça pète, ça rote. C'est tout. Mais ce sont des animaux merveilleux. Et moi, j'ai eu la chance de voyager avec eux en avion. Les premiers pandas, ceux de Pompidou. Bon, moi, j'étais complètement paniquée parce que c'était quand même un cadeau présidentiel de la Chine. À cette époque, c'était des vrais cadeaux. Ouais. De la Chine au peuple français. Un cadeau diplomatique comme Zarafa la girafe. Voilà, finalement. C'était les derniers qu'on ait eus. D'ailleurs, il y a encore eu après des éléphants à Mitterrand et tout. Hein. Mais revenons à nos pandas. Donc, ils étaient là, à l'arrière de la cabine, avec les gens qui passaient. Et ces deux messieurs, ils restaient là, imperturbablement, et ils croquaient en cage. Du moment qu'il y avait du bambou, rien ne pouvait arriver. Et ça claque en plus. Plus ça ressort par dessous. Pendant tout le voyage, nous avons fait serviteur popo des pandas. Mais enfin bon, dans les années 70, comme on dit, d'abord, les animaux venaient encore de la nature. Mais par contre, nous avions une inconscience à leur approche. Alors que c'était des animaux bien plus sauvages que maintenant. Puisque maintenant, ils sont élevés en captivité. À cette époque, ils venaient de la nature. Et nous, on connaissait pas bien les anesthésiques. On n'avait pas les choses pour les endormir et tout. Mais on rentrait avec tout le monde comme si de rien n'était. Et ça ne se passait pas si mal. Bon, je me suis fait mordre une ou deux fois, mais ça, c'est le risque du métier. Par quel genre de bête? Bon, pas d'animaux sauvages. Et là, je ne suis pas fait lacérer par un tigre. Vous savez, le public adore quand on la poitrine lacérée par un tigre, ce genre de choses. Et mon orang-outan ne m'a jamais mordu. Nénette a mordu son Jules, mais jamais moi. L'éthologie, Le comportement des animaux, c'est quelque chose qui vous a toujours passionné. Et vous êtes, je crois, assez admiratif de Conrad Lorenz et de ses oies. Voilà, je lisais ça enfant parce que mes parents avaient la manie de m'emmener dans des lieux culturels à travers les bus en Russie, entre autres, et tout. Et je m'ennuyais un peu à voir toutes sortes d'icônes. Et je lisais Lorenz, Darwin, etc., etc. Et c'est vrai que ça m'a passionné. Les oies, bon, moi qui élevais des corbeaux à la maison qui me suivaient effectivement partout, certains ne savaient pas voler. Et bon, j'ai eu une cigogne aussi à un moment, j'avais oublié. Bon, j'ai appris sur le tas beaucoup. Puis après, ici, bien entendu, je me suis rendu compte que dans une espèce, il y a un individu. Parce qu'on me disait, tout ça, l'éthologie, c'est de l'anecdote, c'est le comportement, c'est juste une petite historiette. Mais non, toutes ces historiettes ramenées les unes aux autres, on se rend compte de tout ce qu'il y a en comportement. En fait, il y a une curiosité naturelle qu'il faut exploiter. C'était ce côté horizontal. Le muséum, à cette époque, c'était une espèce de conférence généralisée de tous les maîtres de conf, de profs, de tout. Maintenant, on est un peu plus sectorisé parce que la recherche est comme ça. Oui. Mais ici, subsiste un esprit naturaliste, une science descriptive. Elle reste, oui, mais on commence tous un peu à râler les plus vieux parce que c'est beaucoup de génétique. Qu'est-ce que vous avez pu mettre au point concrètement avec Marie-Claude Bomsel ou d'autres vétérinaires à la ménagerie, Jean-Luc Berthier ? Bon, je veux dire tout ce qu'on appelle l'enrichissement du comportement, enfin les méthodes d'apprentissage, entre guillemets, qu'on emploie de plus en plus. Il y a plusieurs aspects. L'enrichissement du milieu, c'est-à-dire leur fournir un milieu le plus complexe possible et correspondant le plus possible à l'expression de leur comportement. Je pense aux primates qui sont des grimpeurs, des arboricoles, c'est leur fournir un milieu dans lequel ils peuvent déjà exprimer tout leur comportement physique. L'enrichissement en termes de social, c'est-à-dire leur donner le groupe social correspondant. La recherche de nourriture, qui est une grande partie de leur temps aussi dans la nature alors qu'en captivité, si on leur apporte une gamelle le soir à 5 heures, bon, ils n'ont rien d'autre à faire. Donc ça, c'est beaucoup, l'enrichissement passe beaucoup par là. Et puis, ce qu'on appelle le renforcement positif, c'est-à-dire de leur faire faire... Ça vient de l'entraînement médical des animaux dans les labos, des singes en particulier, pour les inciter à venir vers vous et à accepter des interventions, par exemple une prise de sang ou une prise de poils ou simplement l'examen de la bouche d'un animal, même derrière une barrière, avec à chaque fois une récompense. Mais c'est sur une base volontaire. S'ils ne veulent pas le faire, ils ne le font pas. Par contre, s'ils le font, et très vite, et ça marche avec plein d'espèces, à notre grande surprise, et ça va très vite, ils viennent volontiers. Par exemple, les éléphants, ils ont toujours très souvent des problèmes de pied, il faut surveiller. Vous imaginez, contraindre un éléphant, le prendre ou l'endormir encore pire. Là, on arrive très bien avec des procédés, ce qu'on appelle contact protégé, c'est-à-dire c'est des sortes de portes spéciales, etc., pour qu'on risque pas, nous, de l'autre côté, et faire qu'avec ce qu'ils appellent une cible, un petit geste qui les incite à faire ça, ils présentent le pied, et on peut examiner le pied, à la limite faire des petits soins, ils laissent faire, et ils ont une petite récompense derrière. Ça reste toujours dans un aspect positif pour eux, et ça c'est hyper important. Donc, trois quarts des examens routiniers se font comme ça maintenant, et ça c'est vraiment un grand pas. Viviane Tittelmann, vous n'êtes pas vétérinaire du tout, vous êtes auteur dramatique et journaliste. À propos d'environnement, qu'est-ce qu'elle a pu mettre en place, voire peut-être on peut dire inventer, Marie-Claude Bomsel ? Elle allait voir dans le milieu naturel, elle regardait comment les animaux se nourrissaient, se déplaçaient, etc. Et elle a essayé d'adapter ça au sein de la ménagerie. Et le désennui aussi, avec toute l'équipe, il faisait vraiment des brainstorming, si je puis dire, pour se dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour les désennuyer ? Alors, chercher la nourriture, mettre des parfums dans la loge ou l'endroit extérieur. Plein de choses comme ça pour les faire jouer, pour les faire réfléchir, pour les faire chercher. Les animaux ne tiquent pas à la ménagerie. Leur tiquer, c'est par exemple aller, venir. Comme un bouger, animal en cage, par voilà, exemple. Bouger de la tête, mais voilà. Aller voir, il n'y a pas. Parce que justement, on s'occupe d'eux. Et comment fait-on pour... accéder aussi finement à ce qu'on peut appeler la psychologie d'un animal sauvage. Oui, c'est l'étude, hein. Enfin bon, ils ont, enfin, elle est professeure, donc elle a des étudiants. Et ces étudiants étaient là, très souvent, des journées entières, à se poster devant les animaux, à observer leur comportement, à le rapporter. Et suite à ça, bon, ils s'adaptaient sur les besoins qu'ils pouvaient avoir. Mais c'est ça, c'est vraiment une étude qui se fait tous les jours. Il y a la question de la captivité des animaux, qui est centrale quand on travaille dans un zoo, Marie-Claude Bomsel, et qui serait peut-être quelque chose comme un mal nécessaire ou... C'est plus qu'un mal nécessaire, c'est devenu absolument complémentaire de la nature. Je répète, c'est le paradoxe. Autrefois, dans les années 60-70, quand on a commencé à crier attention à la nature, on faisait des zoos et on prenait des animaux dans la nature. C'était horrible. À tout point de vue, on n'avait pas. Et maintenant, c'est devenu quand même, paradoxalement, le refuge scientifique, j'entends. On n'a pas d'illusion. C'est pas nous qui allons sauver la nature, c'est pas nous qui allons sauver les espèces. Mais c'est un refuge scientifique. On a énormément de données sur les animaux sauvages qui sont travaillés ici. Anesthésie, alimentation, génétique, etc., etc. Beaucoup de scientifiques qui viennent travailler dans les zoos, qui retournent travailler dans la nature. Moi, ça m'est arrivé. Ça permet d'avoir, d'essaimer la connaissance. Et puis, les réintroductions en elles-mêmes, bon, c'est un peu illusoire. On le sait, c'est coûteux. Ça prend du temps, il y a des risques de maladie. De toute façon, la nature est amenée à disparaître doucement. Donc voilà, la captivité, on est de la conservation, vous voyez, ça fait beaucoup bocal tout ça. Mais on en a conscience. Mais j'ai été culpabilisée. Mais fondamentalement, qui peut dire je suis pour qu'on mette les animaux en captivité? C'est idiot. C'est complètement idiot. Maintenant, moi, je vais dans beaucoup d'endroits. Là, j'étais dernièrement au Botswana, où la chasse est interdite et tout. Tout est gardé. Et malgré tout, j'ai bien vu qu'on avait fait un circuit un peu touristique. Un peu truqué. Oui, un peu truqué. Bon, alors après, comme on était des spécialistes, on a demandé au guide. Il nous a emmenés dans des choses, j'allais dire, moins truquées. Ben, on n'a pas vu grand-chose. C'est aussi ça. Les gens veulent consommer de la nature. Ils partent pour 8 jours en safari. Et il faut qu'ils aient vu tout. D'ailleurs, quand on allait au Kenya, il y avait sur le parcours, moi j'ai travaillé au Kenya derrière, on amenait les lions, on les poussait avec des voitures, on poussait les éléphants, enfin pour que, en l'espace de 2 jours, les gens aient vu tous leurs animaux préférés. Alors j'aime encore mieux aller au zoo. On n'a plus tellement de choix pour certaines espèces, il n'y en a plus qu'en zoo. Certaines quand même, alors il ne faut pas non plus exagérer, mais certaines ont été sauvées par les zoos, je pense au cheval de Przewalski, qui est une espèce un peu phare à la ménagerie. Bon, ça, il y a une réintroduction qui marche bien en Mongolie, ce qui veut dire que l'espèce est revenue dans la nature grâce, entre autres, aux zoos. C'est vrai pour d'autres espèces comme le tamarin lion, tous ces petits singes, où il en restait 250 dans les années 70, où maintenant c'est remonté à près de 2000 avec des réintroductions et l'élevage en zoo. Tout en gardant, et c'est une volonté de tous, en gardant toujours un élevage de sécurité pour l'instant encore, parce que ça va un peu mieux sur place. Il y a un gros travail fait par les Brésiliens, mais il n'est pas dit. Mais rien n'est acquis dans ce domaine. Hein. Et alors maintenant, il y a un travail vraiment cohérent entre, globalement, hein, entre les zoos et les ONG qui travaillent dans la nature. Et il y a de plus en plus d'interrelations et de travail en commun. C'est-à-dire que les gens qui sont sur le terrain observent les animaux, observent la manière dont ils se nourrissent, de quoi ils se nourrissent et tout. Tout ça, c'est publié, ça revient en retour directement aux zoos. Nous, on va puiser là-dedans pour trouver le. Mais c'est-à-dire qu'à chaque occasion, sur tous les animaux, on observe le maximum de choses, on prend le maximum de mesures, alors que ce soit sur le plan physiologique, sur le plan médical, mais aussi sur le plan alimentaire. Ça peut servir, c'est vrai pour la génétique, pareil. On prend toujours du poil avec les cellules à base du poil. Maintenant, les techniques ADN, on peut faire ce qu'on veut, et ça nous permet d'avancer sur le plan génétique, sous-espèce, pas sous-espèce, lignée, refaire des parentés pour gérer un groupe à long terme, une population à long terme, de refaire les parentés réelles. On ne sait pas toujours exactement quel est le père dans le groupe, quel est le mâle, et voir effectivement si cet individu-là est plus intéressant génétiquement que tel autre, et c'est celui-là qu'il faut mettre plutôt en reproduction. Les études génétiques nous permettent de aussi à la fois de faire des distinctions entre espèces, sous-espèces ou populations même différentes. Dans une zone donnée, cette espèce-là et à ce groupe-là, en tout cas cette grande population, est peut-être plus adaptée que tel autre. Si on veut faire ensuite, si elle est très menacée, qu'on crée une population captive de sécurité, s'il y a à réintroduire, c'est plutôt ces individus-là. Donc en captivité, on essaie de faire la même chose, de garder ces lignées. Et ça, on arrive à le retrouver souvent avec les études ADN. C'est un peu pointu. Et ça, ça nous permet de réorganiser ensuite l'élevage, de mettre en production qui avec qui. Si on veut une population viable à long terme et éventuellement réintroductible. Ce qui s'est passé, c'est vrai qu'il y a une prise de conscience dans les années 90 du fait que les parcs zoologiques n'étaient pas simplement des vitrines, mais devaient être des acteurs de la conservation et de la biodiversité en termes généraux, vu la crise écologique qu'on a depuis ces 30 dernières années. Et en fait, on a une mutation des programmes qui ont fait qu'on a privilégié des espèces en danger et des actions de terrain. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on avait des espèces en captivité, on essayait de développer des programmes de protection in situ. Ça n'a pas de sens d'avoir une collection d'animaux sauvages en captivité si sur le terrain, il n'y a plus les possibilités qu'ils existent dans des conditions naturelles et normales. C'est un peu malheureusement ce qui se passe pour pas mal d'espèces. Donc c'est sûr qu'on a des programmes de conservation qui ont permis la réintroduction d'animaux. Par exemple, le tamarin lion qui a été un succès au Brésil. Par exemple, le cheval de Przewalski en Mongolie. Mais c'est des épiphénomènes. C'est-à-dire que c'est pas à partir des populations captives de parcs zoologiques qu'on peut reconstituer une population en état sauvage. Ça, c'est vraiment des cas très, très particuliers. D'autant que la réintroduction, c'est souvent problématique parce que les animaux sont, comme on dit, imprégnés. Alors, c'est pas qu'ils sont forcément imprégnés parce qu'on essaye d'avoir de moins en moins de contact avec les animaux. Par exemple, il n'y a plus d'élevage à la main chez les singes, à part cas très particuliers. Chez les éléphants, on a du protected contact, on n'a plus de manipulation vraiment directe des animaux. On essaye de garder... L'élevage à la main ? L'élevage à la main, c'est d'avoir des bébés singes ou des bébés fauves qu'on élève au biberon et qui sont là totalement imprégnés, qui savent d'ailleurs pas qu'ils sont eux-mêmes des singes ou des fauves et qui ont des problèmes de réadaptation dans des groupes sociaux normaux. On y a un vrai frein qui a été mis dans les années 90 là-dessus, sauf cas très particuliers, par exemple du gorille, de l'orang-outan ou du bonobo, des chimpanzés, dont on a les techniques pour les réintroduire progressivement dans les groupes sociaux. D'ailleurs, il y a beaucoup de zoos qui achètent des terres dans les milieux naturels pour pouvoir les relâcher, et on le fait. Et ça peut marcher même si l'animal est au moins un peu imprégné, comme on dit, c'est-à-dire... Alors, l'animal imprégné, non, on ne peut pas le relâcher tout de suite parce qu'il a trop l'habitude de l'homme. Et bon, un ours qui a été élevé ici au zoo, enfin dans le temps il y avait des ours ici au zoo, on ne peut pas le relâcher comme ça, il va s'approcher des gens. Et les gens peuvent ou bien avoir peur, avoir un sentiment de fuite, et puis ils peuvent attaquer, on ne sait pas. Bon, pour relâcher un ours, je pense qu'il faut les mettre dans un enclos où ils ne sont pas du tout en contact avec le public, qu'ils soient nourris d'une manière ou d'une autre, mais pas en contact avec les soigneurs, que ces petits-là apprennent la nature, qu'on les mette dans des enclos plus grands, et qu'ensuite on puisse les relâcher dans la nature. Ça doit se faire en plusieurs étapes. Mais ça ne peut pas générations, en plusieurs générations, mais pas tout de suite avec celui l'animal de zoo et qu'on remet comme ça, il peut pas, il s'en sort pas, puis il serait dangereux. Bien que Adamson y soit parvenu avec ses lions et ses guépards. C'est un Anglais avec sa femme et il a passé sa vie à remettre dans la nature des lions et ça fonctionnait. Il leur apprenait à chasser. Pour les guépards, il les apprenait à courir. Par exemple, il mettait de la viande derrière des voitures, et le guépard était derrière, etc. Et petit à petit, ces animaux ont appris à chasser, à tuer, et ils s'en sortaient. Et ça s'est passé dans les années, je crois, 60-70. Ça ne peut pas se faire en 2 ans ou en... Non, ça se fait sur un très long laps de temps aussi. Pas tellement la mer, non. Ni les animaux marins. Non, je n'aime pas la mer parce que je ne sais pas, alors là ça doit plonger dans ma petite enfance, mais on me mettait très souvent à la mer effectivement quand j'étais enfant et je considérais ça comme dénué de tout intérêt car je ne voyais pas immédiatement les animaux, j'étais assez stupide. Je me disais, il n'y a rien dans cette mer, absolument rien, bien sûr en bord de plage, il n'y a rien pour un enfant. Je détestais les châteaux de sable, en plus, bon moi j'étais naturiste, élevé par ma mère, toute nue dans les forêts et tout. partout. Donc on mettait un maillot, en plus à cette époque c'était ces maillots un peu ridicules, là, mylène, mi-acrylique, je ne sais pas quoi, qui me grattait terriblement, avec le sable et tout, ça m'a insupporté. Et pour parachever le tout, il y avait les puces de mer et autres genres de cochonneries qui me grattaient les pattes. Donc j'ai gardé une aversion totale pour la mer. Et dernièrement, on m'a emmené aux Açores, où j'ai vu, à mon étonnement, des baleines, des dauphins, des choses dans la mer. Et la stupéfaction, on a eu la chance d'avoir croisé une baleine à bosse, ou plutôt, elle nous a croisés, on était sur un espèce de canoë kayak, elle est passée dessous, bon, toujours inconséquent, nous les vétos, on est inconséquent, on est un groupe de vétos, ça ne nous a pas affolé outre mesure, j'ai été impressionnée. Mais ça reste quand même, je suis vilaine avec les animaux marins, mes collègues vont être effarés, ça reste caoutchouteux pour moi. Vous savez, c'est le truc, je regardais Tarzan, vous vous souvenez, qui se battait, c'est ma génération, avec le crocodile en celluloïde, là, le vrai, le Tarzan d'autrefois, quand il poussait ses cris, la cheetah était vraie, mais le crocodile, il le prenait en celluloïde. J'en suis restée à ce stade-là, moi, quand je vois les dauphins et autres baleines, j'ai envie de leur dire, dégonflez-vous. Bon, ils ne se dégonflent pas. Hein. Non, c'est pas mon truc, voilà. Peut-être la bête la plus féroce que vous ayez apprivoisée, Marie-Claude Bomsel, c'est la télévision et dans une moindre mesure la radio. J'ai longtemps résisté aux sirènes médiatiques, comme on dit, parce qu'effectivement il y avait peu de femmes, que j'avais le look avec les cheveux frisés, c'était la belle et la bête. Mais je n'ai aucun regret. D'abord, il y a des ambiances très marrantes, il y a le stress. Je n'ai pas honte du tout. Même de certaines émissions, comme vous dites. J'ai fait les grosses têtes très longtemps avec Bouvard. C'est ça dont vous vouliez me parler. Mais j'y ai pris grand plaisir parce que j'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Parce qu'on vous pose des questions sur n'importe quoi posées par des gens qui ne sont pas scientifiques. Là aussi, je peux vous dire que j'ai travaillé, hein. Et c'était aussi une tribune pour les causes que vous, qui sont les vôtres. C'est l'autre avantage. C'est l'autre avantage. Vous pouvez, surtout en direct, dire à peu près tout. Jusqu'ici, parce que là aussi les choses se sont fermées, je pouvais dire à peu près tout ce que je voulais. Mais bon, je suis partie de l'émission sans tristesse. J'ai été très contente de la faire et je suis partie sans tristesse. Vous avez dû pas mal batailler au début de votre carrière en tant que femme dans ce milieu qui était presque exclusivement masculin. Maintenant, la tendance s'est inversée. Ça a été dur ? Oui, ça a été très dur. J'avais pas le look professeur, alors ils me regardaient de façon exotique, mais j'ai eu beaucoup de problèmes au démarrage de carrière. On m'a dit tout ce qu'on dit aux femmes. Vous allez avoir des enfants, vous aurez pas plein temps. J'ai dit, attendez, j'ai du plein temps, moi je travaille le week-end, je laisse mes enfants parfois tout seul. Pardon, mes enfants, ils ne savent pas, ne leur dites pas. Tout ce qu'on peut dire aux femmes, vous n'aurez pas le temps nécessaire. Et certains m'ont même dit, vous savez, les femmes, elles ont pas l'esprit. D'ailleurs, j'ai dit non, je participe pas de l'esprit, j'en suis fière. Non, c'était très désagréable. Mais voilà, maintenant, ils se sont habitués. Alors, dans le métier vétérinaire, d'autant plus. Hein. Mais c'est un choix. Je ne regrette pas là non plus, parce que ça vous forge le caractère, comme on dit. J'ai un métier, finalement, si vous regardez, en vétérinaire, mes patients me détestent. Ils me mordent ou ils me griffent. Le public, certes, m'adule, mais on me critique aussi beaucoup à cause des os et tout. Et en recherche, j'étais une femme un peu étrange dans un monde obscur. Ça m'a permis de progresser dans la vie. Parce que je ne peux pas dire que j'ai marché sur des roses. Hein. Je ne suis pas comme la girafe, moi. On ne m'a pas acheté des pétales de roses. Aucun roi ne m'a acheté des pétales de roses. Hein. Et alors, finalement, votre contribution à la science, Marie-Claude Bomsel, elle consiste en quoi ? Ma véritable contribution à la science, c'est d'avoir fait reconnaître l'animal en tant que, non pas objet, mais sujet. Y compris dans les zoos, parce qu'à l'époque, on les amenait et autres, c'était affreux. Ça m'a permis de faire un travail vétérinaire très élaboré. Un comportement, j'ai travaillé énormément avec des éthologistes, et désormais, on leur reconnaît un bien-être propre, un comportement. Et puis, je reviens à l'idée de conservation des espèces. Ça n'est pas préservation, c'est conservation, mais c'est déjà énorme, dans un but futur de préservation des données sur les espèces. C'est énorme, vous savez. Mais c'était mon esprit pragmatique. Marie-Claude Bomsel, la lionne de la ménagerie. Avec Marie-Claude Bomsel et Karine Alves, vétérinaire, Jean-Luc Berthier, vétérinaire, Joël Bomsel, sœur de Marie-Claude Bomsel, Constance de Montois, fille de Marie-Claude Bomsel, Viviane Titelman, auteur dramatique. Merci au service de presse du Muséum National d'Histoire Naturelle. Marie-Claude Bomsel a récemment publié « Mon histoire naturelle, vétérinaire auprès des animaux sauvages » chez Artaud. Prise de son, Philippe Etienne et Yann Frécy. Un documentaire d'Olivier Chaumel, réalisé par Vincent Deck pour la série documentaire. LSD, la série documentaire, c'est tout pour aujourd'hui. Et si vous voulez enfin comprendre votre chat, bibliographie, lien, mais aussi nous podcaster pour la cage aux fauves ou nous réécouter dans le vivarium, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook et nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc. Et demain, dernier épisode, Marie Curie, le radium à l'estomac. Mais dans un instant, c'est le journal de 18h.